d'hésitation. Alors, contactez votre professionnel du gaz PG. Les professionnels du gaz PG. L'énergie est notre avenir. Économisons-la. À la fête de l'école, quelqu'un a trouvé la mort. Meurtre ou tragique accident. Qui est vraiment responsable du drame? L'amitié entre trois mères, entre trois femmes, va voler en éclats, libérant petits secrets de famille et grands mensonges. Après le triomphe du secret du mari, découvrez Petits secrets et grands mensonges, le nouveau livre phénomène de Liane Moriarty, un roman Albin Michel. La super rentrée Carrefour Market. Tiens, vous portez une cape aujourd'hui. C'est pour la super rentrée Carrefour Market, Michel. Jusqu'au 2 octobre, à vous les super pouvoirs, les promos incroyables. Des super pouvoirs? Oui, en exclusivité chez Carrefour Market, vous pouvez collectionner 16 figurines de vos héros Marvel préférés, comme Spider-Man, Iron Man ou Captain America. Une figurine vous est remise en caisse par tranche de 30 euros d'achat. Ah, vous serez toujours mon super héros. Carrefour Market. Offre soumise à condition. Modalité et magasin participant sur carrefourmarket.fr. Maman, tu m'emmènes pas à l'école? Déjà? Mais si on reste en vacances, le temps de remplir la paperasse pour le dégât des eaux du salon. Bah, c'est la rentrée quand même. La rentrée, ça va, il y en a une tous les ans. Tiens, si tu arrives à déchiffrer cette déclaration de sinistre, tu auras gagné au moins 3 ans sur ton programme scolaire. C'est bon ça? Nous aimerions tous obtenir une solution concrète dès le premier appel. Avec l'assurance auto et habitation Alliance, un conseiller vous propose une solution dès le premier appel. Et en ce moment, jusqu'à 2 mois gratuits selon les contrats pour toute souscription faite avant le 31 décembre 2016. Voir conditions sur alliance.fr. Alliance, avec vous de A à Z. Du 10 au 20 septembre, chez Ford, profitez d'un crédit à 0% sur la... Hop, il m'en faut plus! J'aimerais une musique western. Crédit à 0% sur la gamme et plein d'offres exceptionnelles. Et avec une voix de film américain. Ok, ça biche, mec! Chez Ford, on n'en a jamais autant fait pour vous! Ouverture dimanche 18 selon autorisation, crédit auto 0%, 2000 euros d'apport pour 10 000 euros empruntés, puis 36 mensualités de 277,78 €. Montant total du 10 000 euros, coût du crédit pris en charge par Ford Crédit et acceptation du dossier selon stock disponible. Va sur Ford.fr, mec! Martin, il a quel âge ton papa? 55%. Oh, la chance! Et le tien? Bah, il a que 41%. Vous voulez pas m'adopter? Pour la rentrée et jusqu'au 17 octobre, avec l'offre pourcentage de Grand Optical, votre âge égale votre pourcentage de réduction sur votre monture et celle de vos enfants. Grand Optical, rien n'est trop grand pour vous. Conditions en magasin, dispositif médical CE. 9h29, 54, 55, 56, 57, 58. Julien Courbet, c'est à vous. Bravo. Là, écoutez, vous voyez comme quoi il faut tout de suite persévérer. Oui. Toujours, toujours. Comment ça va? Bah, je suis heureux parce que je vous entends. Ah bah, voilà. C'est bien. Est-ce que vous avez vous-même été comme les hommes politiques au salon de la coiffure? Ah, pas du tout. J'ai vu ça hier, c'est fantastique. Ils ont tous été au salon de la coiffure. Même Alain Juppé. Oui, même Alain Juppé, oui, vous avez raison de le préciser. Ça nous a fait rire. Parce que c'est par la coiffure, je pense qu'on va résoudre les problèmes de chômage et de terrorisme, bien sûr. Ça pourrait être une première mesure, obliger les Français à se couper les cheveux 3 fois par semaine. Déjà, on pourrait créer une quinzaine de milliers d'emplois. Les fichiers S, on les teint au burn, voilà, comme ça on les reconnaît. Pas au burn, parce que c'est déjà celle du président, mais entre vous et l'autre. Mais entre vous, il y a des choses à faire au salon de la coiffure, ils ont bien fait. Puis-je vous souhaiter une bonne journée? Ben, je m'en vais chez le barbier, je vous souhaite une bonne émission. Ah, merci à vous tous et à demain matin pour une excellente matinale info, la meilleure de France, nous le savons. Il est 9h30. À demain. Et 50 secondes, merci Yves, et nous allons démarrer en direct l'émission qui, dans la détente et le sourire, règle les problèmes. Alors nous, il n'y a pas de blabla, il n'y a pas de politique. Hein. Je vous le dis tout de suite, les phrases qui ne servent à rien et qui ne sont pas suivies des faits n'ont pas cours ici. Nous, il y a un problème, on le règle et on conseille. Et je vais tout de suite vous donner une première preuve de tout ceci. Alors, il y aura tout à l'heure, n'oubliez pas, aux alentours de 10h20, c'est la grande enquête. Je voudrais qu'on écoute juste un petit extrait de la grande enquête, ça sera Sophie. J'ai signé un contrat de 46 000 euros avec une entreprise en septembre 2015 qui devait me changer l'intégralité de mes fenêtres. Un an plus tard, il y a des malfaçons et les travaux ne sont pas terminés. J'ai déjà versé près de 30 000 euros et on me dit que je ne suis pas une priorité. 30 000 euros, fenêtres, inutile de vous dire que j'ai pas dormi de la nuit. Hein. Il est question de fenêtres, moi j'ai pris deux Lexo et quand je continue avec les fenêtres, j'ai crié ça c'est unique dans toutes les rues de Paris. Bref, je préfère me calmer et démarrer par un autre cas, ça sera celui de Richard. Richard, lui qui a été inondé, on va lui dire bonjour à Richard. Bonjour Richard. Bonjour Julien. Ça va mon Richard, on va s'occuper de vous. Laissez-moi vous présenter la Dream Team qui est là aujourd'hui. La meilleure avocate, alors spécialisée dans le divorce, dans le pénal, mais à votre service, Maître Noakovic. Bonjour Julien, bonjour à tous. La Divina du matin, c'est Maître Felono qui est là. Bonjour Julien, bonjour à tous. Et pour la négociation, c'est Bernard Sabat. Bonjour Julien, bonjour Toutes à tous. Toutes les équipes de négociation sont là. Vous êtes sur RTL, la première radio de France. We're on the move. Exactement. Richard, voici le message que vous nous avez laissé sur le répondeur du 9h30, 11h d'RTL. Cela fait plus d'un an et demi que j'attends qu'une compagnie des eaux m'indemnise de 3 200 €. Elle a été reconnue coupable d'une fuite dans ma cave et j'ai dû tout payer pour un pompage. Quand vous avez enregistré le message, vous deviez regarder une série juridique à la télé. Elle a été reconnue coupable. Effectivement, votre cave est inondée en février 2015. Richard, où habitez-vous exactement ? À Montereau. D'accord, ça se trouve où ? En Seine-et-Marne. Là, ça me parle. Vous faites venir un professionnel pour cette cave inondée. Alors, vous pensez que l'origine de la fuite vient de votre arrivée générale et le professionnel, après avoir pompé l'eau à une hauteur de 25 cm pour voir l'origine de cette fuite, va trouver le problème. Et en fait, quel est le problème, Richard ? Expliquez-le à nos auditeurs. Ben, il s'agit d'une canalisation extérieure à la maison appartenant à une compagnie des eaux qui avait cédé. Voilà. Donc, dans ces cas-là, je pense que Maître Felloneau et Maître Novakovic, si c'est une canalisation d'une grande compagnie qui provoque l'inondation, c'est à eux de réparer. Ah ben évidemment, on est responsable de son matériel. Ça a été dûment constaté. Il y a un rapport d'expertise. Ça a été dûment chiffré. Effectivement, figurez-vous, j'étais étonnée. Mais le fait de pomper autant de mètres cubes d'eau, ça a quand même coûté plus de 3 000 euros. Alors, la question qui se pose après, Richard, c'est pourquoi votre assurance ne vous indemnise pas des dégâts ? L'assurance ne prend pas en charge vu qu'il n'y a pas eu de dégâts autres que le pompage. Oui, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu pas de meubles abîmés, voilà, simplement de l'eau qu'il a fallu pomper. Vous voulez qu'on vous rembourse le pompage ? Eux, ils disent comme il n'y a rien eu d'abîmé, on ne rembourse que ça. Donc, voilà. Maître Novakovic, on est bien d'accord que là, il nous faut appeler la société. Est-ce que la société a reconnu, Richard, les faits ? Au rapport d'expertise, si le monsieur qui s'est déplacé avait signé, il était d'accord avec l'expert. L'expert, ce n'est pas un expert de la compagnie des eaux, c'est un expert indépendant. C'est un expert indépendant qui a été diligenté par mon assurance. Mais est-ce que vous, l'assurance, avez prévenu la compagnie en question ? Est-ce qu'ils sont au courant au moins ? Oui, tout à fait. D'accord, ils ne vous ont rien répondu ? Non, et j'ai envoyé un courrier, ils m'ont demandé d'envoyer un courrier avec les factures. D'accord. J'ai envoyé le courrier et depuis, je n'ai pas de réponse. Eh bien, nous allons nous en occuper, l'appel va être lancé. Maître Novakovic. Oui, effectivement, il faut leur faire entendre raison, car devant un juge, il va de soi qu'il pourrait être condamné également à des dommages et intérêts. Donc voilà, il y a des factures, il y a un rapport d'expertise. S'ils veulent une expertise judiciaire, ok, mais c'est une mauvaise idée, je pense que le mieux, c'est de trouver un accord. Et cette petite robe bras nu vous va à ravir, merci, je crois Julien. Que nous sommes tous d'accord pour le dire. Que l'on fasse une photo, s'il vous plaît, de Maître Novakovic, que l'on mette sur les réseaux. Non, parce que nous tenons également un blog de mode. Nous faisons de la conso, de la résolution de problèmes, et j'ai décidé qu'aujourd'hui, il y aurait un blog de mode. On a la chance d'avoir 2 mannequins, 3 parfois, 4 avec Bernard quand il le veut, et c'est très joli. Et je pense que nos auditrices seront ravies de voir si vous pouvez donner les coordonnées de la robe également. Chaussures et sacs assortis. Oui, tout est assorti. Et encore, ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Ce n'est pas assorti également. Vous ne saurez rien. Nous lançons l'appel, Richard. Nous allons nous occuper de vous comme nous le faisons pour tous les auditeurs. J'en profite pour vous dire que vous vivez une injustice. Vous vivez une aberration. C'est maintenant qu'il faut appeler le 3210 pour passer en direct dans l'émission dans quelques minutes pour le cas express ou de demain, après-demain, vous avez aussi le Facebook, la page, ça peut vous arriver. Alors, nous sommes en attente à la Société des Eaux de Melun. Merci de dire à haute voix la démarche que vous souhaitez effectuer. Pour un abonnement ou une résiliation, dites « contrat ». Pour une question sur votre facture, dites « facture ». Pour le paiement d'une facture, dites « paiement ». Pour le suivi d'un dossier de réclamation, dites « suivi ». Suivi. Sinon, dites « autre ». Suivi. Suivi. Suivi. Oui, il est suivi. Je n'ai pas compris. Merci de dire à haute voix la démarche que vous souhaitez effectuer. Pour un abonnement ou une résiliation. Suivi. Pour une question sur sans votre écho facture. Suivi. Facture. Faisons pour le paiement François d'une Mitterrand. Facture. Suivi. Paiement. Non, pour allez, le suivi d'un dossier de réclamation. Oui, oui. Non, suivi. Suivi. Sinon, dites autre. Autre. Dans le cadre de notre démarche. Quoi qu'il arrive, vous le savez, quand vous les appelez, dites autre, ça vous évitera de passer 2 heures à dire suivi pour rien. Parce qu'il n'y a que autre qui marche. Vous me faites la petite alerte, qu'on fasse écouter l'alerte aux auditeurs d'RTL. Quand vous entendez ça, ça veut dire que quelqu'un vient de décrocher. On bascule immédiatement sur l'antenne dans cette émission. Vous le savez, toutes les négociations ont lieu sur l'antenne. Dites-le autour de vous. Le 9h30, 11h, c'est la solution à vos petits tracas de la vie de tous les jours. Car non seulement nous vous conseillons, mais nous appelons, nous nous mouillons pour vous, pour régler vos problèmes. Et nous le faisons dans la bonne humeur, et ça se règle bien. Alors merci d'avoir choisi le 9h30, 11h. On se retrouve dans quelques instants pour l'appel.

2015. Il y a eu cette expertise qui a été contradictoire. Un expert nommé par Veolia est arrivé. Le confrère a bien noté la phrase suivante. Le technicien de Veolia nous confirme leur responsabilité. Toutefois, il semblerait que Veolia n'ait pas pris contact avec son assureur. Bon, là, mais on s'en moque. C'est à Veolia de prendre ses responsabilités. Évidemment. On verra après s'il y a un problème avec son assureur. Là, je suis assez confiant. On a une jeune fille super sympa. Vous me montrez un papier, Maître Novakovic. Auriez-vous levé un lièvre ? Mais en fait, non, c'est simplement les conclusions de l'expert qui sont expressément indiquées. Ça n'a pas été contesté par Veolia. Donc, je ne vois pas pourquoi aujourd'hui ils iraient à l'encontre de cette expertise qui condamne, enfin, qui considère qu'il y a bien indemnisation. Bernard, vous me faites une petite alerte dès que cette dame a trouvé un interlocuteur. Promis. Oui, Julien. Ça marche. Vous êtes sur RTL, 9h42. C'est le 9h30-11h qui règle vos problèmes chaque matin sur la première radio de France. Cyrielle va débarquer dans une seconde. Puis-je dire un petit bonjour à Cyrielle ? Cyrielle, m'entendez-vous ? Oui, bonjour Julien. Cyrielle, les choses démarrent bien, j'aime autant vous le dire. Voici le message que vous nous avez laissé sur RTL. Je cours après une agence de presse qui me doit de l'argent et qui utilise mes photos sans me payer. Je suis tombée par hasard sur deux de mes photos dans un magazine. Je n'ai rien reçu. Qui sait s'il n'y en a pas d'autres ailleurs ? Ça, c'est dingue. Ils lui font prendre des photos, elles doivent être payées s'il les publie. Il les publie, ils lui disent rien et elle tombe par hasard dessus. Et elle se dit, il y en a peut-être d'autres. Elle a envie de savoir. Oh là là, le coup de fil s'annonce chaud, mesdames et messieurs. Et nous allons lancer dans quelques instants. Quelle chance d'avoir Maître Novakovic et Maître Filono à mes côtés. Deux gravures de mode, mais efficaces au niveau du droit. Elles sont là pour vous aider. Alors 3210 et Facebook, page, ça peut vous arriver. Le 9h30-11h, réglez vos problèmes en musique. Voici Daft Punk sur RTL. All ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Night to get some. She's up all night for good fun. I'm up all night to

Je suis pas content parce que la dame a dit écoutez, je n'arrive pas à toucher mes supérieurs. Oh bah ça, on lui demandait pas ça, on voulait simplement qu'elle en parle. Excusez-moi, il est mal choisi. Par contre, laissez-moi jusqu'à 10h30, je vais carrément appeler directement le client. Donc alors, je vais vous lancer une mission. Vous allez laisser cette dame faire et vous allez appeler pendant ce temps-là en parallèle le siège. Mais vous appelez le siège, mais dès que vous avez un grand patron, vous me le basculez sur l'antenne. D'accord ? Promis. On essaie d'avoir ça d'ici un quart d'heure. Pendant ce temps-là, et dès qu'il y aura quelqu'un chez Veolia au siège, ne vous inquiétez pas, il sera sur l'antenne et s'il le faut, on enverra quelqu'un. Le siège est à Nanterre. Mais là, pour l'instant, c'est Cyriel. Cyriel, bonjour de nouveau. Comment allez-vous ? Très bien. Merci, moi aussi, mais ça va. Donc, vous êtes photographe, hein ? Tout à fait. Je suis photographe pour une association, Sport Olympics, qui médiatise le sport féminin. D'accord, qui médiatise le sport féminin. Il faudra que vous veniez prendre ou mettre le nom en train de faire du golf. C'était énorme, comme un moment de sport énorme. Ah, ça, c'est. Alors, ne cherchez pas à la transpiration, vous ne la trouverez pas, non. Mais le geste et la beauté, vous la trouverez. Ça, par contre, Maître Novakovic, je le précise aussi, est une grande sportive. Chaque samedi matin, elle fait du hard training pendant une heure. Hein. Il y a du rameur. Qu'est-ce que vous faites ? Des tas de choses. Beaucoup d'aquabike. Ah oui, beaucoup d'aquabike. Je salue d'ailleurs mon coach, Frédéric. Voilà, qui est au fond de la piscine. Voilà. Nous avons donc contacté une agence de presse, c'est ce que nous dit Cyriel, pour leur proposer de vendre des photos. Vous envoyez vos premières photos, une dizaine. En février, vous n'avez pas de retour. 5 mois plus tard, vous découvrez 2 de vos photos dans un magazine vendu en kiosque. Alors, que précise le contrat, Cyriel ? Expliquez-nous un petit peu, parce qu'on ne connaît pas, nous. C'est à la publication qu'on est payé ? Bah, en fait, normalement, dessus, c'est les photos sont proposées dans leur catalogue et après, leurs clients, donc les médias, achètent des photos qui les intéressent. D'accord. Normalement, on a relevé ensuite sur ce qu'on a vendu, donc sur ce que les médias ont acheté comme photos. Et après, par rapport à ça, on est payé à 50% de la vente. Alors, normalement, vous devriez avoir combien par rapport... Alors, vous ne savez pas combien il y a eu de photos, vous en connaissez non. Vous deux, mais admettons, sur ces deux-là, il vous devrait combien ? Eh bien, je ne sais pas, justement, parce que c'est pas moi qui décide du tarif non plus. Donc, Attendez, c'est là Cyriel, la question. Qui décide du tarif ? Mais alors, c'est l'agence Panoramique. Bah, c'est n'importe quoi, ça, Cyriel. Oui. Ça veut dire que vous ne savez... Ça veut dire que s'il vous dit c'est 1 euro la photo, ça sera 1 euro la photo ? Non, pire que ça, 50 centimes. Oui, 50 centimes. Bon, qu'est-ce que c'est que ce contrat, Maître Félonneau ? Non, la commission est de 50% sur les ventes que l'agence aura faite. Qu'elle doit prouver. Voilà, exactement. D'où l'importance de ce fameux relevé. L'agence doit fournir les factures qu'elle a envoyées, qui ont été acquittées par ses propres clients, c'est-à-dire les magazines qui ont acheté, qui ont publié les photos. Donc, on travaille à la confiance, puisque ce relevé, eh bien, elle l'attend toujours. Et c'est donc par hasard qu'elle a trouvé, et pas n'importe quoi, une double page. D'accord. Alors, donc ça se vend cher, je peux vous dire. Alors, vous avez des documents, Maître Novakovic. Oui, effectivement, ils n'ont pas fait de contrat. Ils ont fait seulement un courrier en confirmant une conversation téléphonique en indiquant voilà, vous allez toucher tant de commissions, etc. N'hésitez pas à nous contacter. Sauf qu'entre-temps, ils ont diffusé apparemment des photos qu'elle a reconnues et malheureusement, ils n'ont pas rétribué quoi que ce soit. Donc c'est vraiment scandaleux. Alors, elle se retrouve finalement, elle les a mis en demeure et ils ont fait ce qu'on appelle du dilatoire. Parce que Dilatoire, parce qu'ils la font traîner, c'est voilà, ça le dilatoire. Ils font traîner les choses parce qu'ils lui ont dit attendez, c'est les vacances, attendez début septembre, on contacte. Ils n'ont toujours pas contacté notre Cyriel. Donc là, il est temps de les appeler. C'est parti, nous allons les appeler, qu'on appelle tout de suite, s'il vous plaît, l'agence. Après, il y aura les infos. Donc le temps de passer les barrages, ça nous permettra d'avoir un interlocuteur. Puis après, on appellera peut-être aussi le magazine pour essayer de savoir combien ils ont acheté les photos. C'est parti, s'il vous plaît, Marie, pour l'agence. On y va. C'est. Et voilà, ça sonne. Super. Sure. Bonjour. En raison d'un grand nombre d'appels, votre demande ne peut aboutir. Nous vous remercions de la renouveler ultérieurement. Vous vous rendez compte, vous appelez quand même des professionnels de la photo. Bonjour. Et on vous dit qu'on ne peut pas vous répondre. Donc, il va falloir peut-être... On a un portable, Julien. Lancez vite le portable et puis je sens que ça va se terminer en duplex. Qu'on va vite partir en urgence. On essaie le portable, parce que c'est fou ça qu'une société ait un répondeur qui dise « on ne peut pas traiter vos appels ». Alors, espérons que le répondeur va répondre. Non plus. Allez, on se met en chauffe pour essayer de voir s'il y a possibilité de démarrer en duplex. Pendant ce temps-là, on va tenter d'autres numéros. Allô ? Allô ? Allô ? Oui ? Oui, l'agence Panoramique ? Oui. Oui, bonjour madame. Julien Courbet à l'appareil. Nous sommes en direct sur la radio RTL. J'espère que je ne vous dérange pas. Madame, je vous appelle car je suis avec une photographe qui a vu des photos publiées par vous et qui n'a pas été payée. Ah, oui. C'est Cyriel. Rec. Cyriel. Cyriel Rec, que son association c'est Sport & Pic. Ah. Et vous avez diffusé, vous avez vendu des photos de foot féminin. Ah. Bon. Alors oui, exactement. Mais Moi, je suis à la facturation. Oui. On donne les éléments de facturation. Oui. Oh, c'est drôle. Effectivement, j'ai reçu une lettre recommandée. Et mon directeur l'a appelée. Je lui ai envoyé un mail. Elle est en ligne, elle nous écoute, hein, Cyrielle. Elle ah est oui, là. Oui, oui, bonjour. Bonjour. Mais alors, qu'est-ce qu'il fait, madame? Soyons clairs, pourquoi on la paie pas? Mais on va la payer, il suffit juste qu'elle nous envoie une facture. Mais imaginez-vous que cette dame nous envoie une facture d'un montant qu'on ne sait pas d'où elle prend. Mais vous, est-ce que vous pouvez lui dire le montant que vous l'avez vendu, puisqu'elle a le droit à 50%? C'est comme ça que ça se passe? Alors, oui. Vous l'avez vendu combien, la photo, madame? La photo, c'est un forfait pour plusieurs forfaits. Alors, combien? Combien? Bah, donnez-moi une somme. Non, mais écoutez, je vais vous... Alors, c'est quand même très flou, l'histoire. C'est-à-dire, vous ne savez pas combien elle va toucher parce que vous ne savez pas combien vous l'avez vendu. Mais si, je sais combien je l'ai vendu. Je vous la passe hors antenne si vous ne voulez pas le dire à moi, mais dites-lui. Vous êtes gentil. Oui, c'est vrai. Vous êtes gentil. Je la connais, votre émission. Oui. Donc, vous êtes gentil. Moi, je suis. Je vais vous passer le rédacteur. Eh bien, allons-y, ça marche. Mais le rédacteur n'est pas arrivé. D'accord. Donc, vous pouvez le contacter. Je vais vous passer. On va lancer un appel à la radio. Vous allez me donner son numéro. On va lancer un appel à lui, au directeur, pour essayer de savoir comment vous vendez vos photos. A tout de suite, madame. Merci beaucoup. Jour 10% en avantage carte sur non pas deux, mais trois marques producteurs commerçants. Ce mois-ci, Bouton d'Or Fiorini est choisi par vous via notre page Facebook, la marque Pâturage. 10% en plus pour mieux récompenser votre fidélité. C'est aussi ça, être producteur commerçant. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Offre soumise à conditions, voire conditions complètes à l'accueil de votre magasin et sur intermarché.com. Avec l'UFC Que Choisir, réduisez vos factures de gaz ou d'électricité. Inscrivez-vous sur choisirensemble.fr. Je me suis inscrite il y a 2 ans pour le gaz et j'ai économisé plus de 200 euros sur 1 an. Avec en prime, un contrat sûr et l'accompagnement de l'UFC Que Choisir. Au début, j'étais méfiant. Mais c'est simple, avec à la clé de sacrées économies. Cette année, je m'inscris aussi pour l'électricité. Avec l'UFC Que Choisir, mobilisons-nous. Soyons plus pour payer moins. Inscrivez-vous gratuitement et sans engagement sur choisirensemble.fr. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Les professionnels du gaz PG. En ce moment, vous pouvez faire des économies avec les professionnels du gaz. Et c'est facile. Avec les professionnels du gaz qualifiés RGE, vous bénéficiez de 30% d'économies pour l'achat d'une nouvelle chaudière gaz haute performance grâce au crédit d'impôt. Et jusqu'à 30% d'économies d'énergie à l'utilisation. 30% d'économies à l'achat et jusqu'à 30% à l'utilisation? Waouh! Pas d'hésitation. Alors, contactez votre professionnel du gaz PG. Les professionnels du gaz PG. L'énergie est notre avenir. Économisons-la. Bon, alors, t'as choisi ta montre? Bah, je sais pas, une montre mécanique, plus classique, ou une montre connectée, plus techno. Bah, j'hésite. Oh là là, qu'est-ce que ça va être quand on va changer de voiture? Bah, un Nissan Qashqai. Certains choix s'imposent d'eux-mêmes. Pendant les journées technologie Nissan, Nissan Qashqai est à partir de 249 € par mois avec 4 ans d'entretien inclus. Pour un Nissan Qashqai Vizia DIGT 115 et l'LD 49 mois avec 2 000 € d'apport jusqu'au 30 septembre si accordiaque. Entretien hors pièces d'usure et pneus, portes ouvertes du 16 au 18 septembre. Nissan, innover autrement. Vous êtes sur RTL, la première radio de France. Nous réglons vos problèmes chaque matin entre 9h30 et 11h. Et ça va bouger sur les deux premiers dossiers, juste après les infos. What's the sense in sharing this one and only life? RTL 10h. L'information sur RTL, c'est avec Marie Guerrier. Bonjour Marie. Bonjour Julien, bonjour à tous. Michel Platini vient de dire au revoir à l'UEFA. L'ancien président a prononcé un discours devant le congrès des instances européennes du football. Michel Platini est suspendu pour 4 ans de toute activité liée au foot et l'UEFA va élire son successeur. Je suis certain de ne pas avoir commis la moindre faute. Je continue le combat judiciaire. Sachez simplement que ma conscience est tranquille, a déclaré Michel Platini. Il a remercié les représentants des fédérations européennes pour ces 9 années de travail et de conclure très ému, amis du football, à bientôt. Après les orages, 7500 foyers sont toujours privés d'électricité ce matin dans les Pyrénées-Atlantiques, nous indique Philippe de Maria, le correspondant d'RTL dans la région. Il précise qu'un gros transformateur a été touché à Oloron-Sainte-Marie. Et puis dans les Landes, les coupures de courant concernent ce matin 100 de foyers. Les orages les plus forts sont attendus aujourd'hui dans le sud-est, avec d'importants cumuls de pluie. 7 départements sont en vigilance orange. L'Aveyron, la Lozère, l'Ardèche, Ardèche, l'Hérault, le Gard, les Bouches-du-Rhône et le Vaucluse. Il y a déjà eu localement ce matin de grosses averses dans l'Hérault avec quelques dégâts. La vigilance est donc valable pour toute la journée. Sur l'ouest, retour d'un temps plus calme en traverse et éclairci avec des températures rafraîchies. Et puis le temps restera sec et ensoleillé sur le nord et l'est toute la journée avec des températures là encore élevées. Dans l'enquête sur l'incendie du bar de Rouen au Cuba Libre, le gérant de l'établissement et son frère sont en garde à vue. Le 6 août dernier, le feu qui ravageait la salle dans la cave du bar a fait 14 morts. Les premiers éléments de l'enquête font apparaître que des obligations de sécurité n'ont pas été respectées. À Marseille, un homme a été blessé dans le dos par un tir d'arme automatique. Cette nuit, il est entre la vie et la mort. C'est arrivé quand cet homme d'une quarantaine d'années qui travaille dans un bar du quartier du Panier rentrait chez lui dans le quartier des Trois Lucs. C'est dans le quartier du Panier que la semaine dernière, deux hommes ont été tués dans un bar. L'autoroute A71 est coupée ce matin entre Bourges et Vierzon en direction d'Orléans. Un camion est couché sur la chaussée, sortie obligatoire à l'échangeur numéro 7. Dans l'actualité ce matin, il y a encore le dossier Alstom. RTL vous révèle que le gouvernement avait bien été alerté sur les difficultés de l'entreprise. Des parlementaires ont envoyé plusieurs lettres au cours de l'année écoulée. Les prix à la consommation ont augmenté de 0,3% en août en France par rapport au mois de juillet. C'est ce qu'indique ce matin l'INSEE, l'Institut de la Statistique. Et l'inflation s'établit sur un an à plus 0,2%. De nouvelles médailles françaises aux Jeux paralympiques de Rio et c'est de l'or pour le pongiste Fabien Lamiro en tennis de table, donc classe 2. Autre médaille pour un pongiste, Maxime Thomas, qui décroche lui le bronze et puis c'est du bronze également pour la nageuse Élodie Laurendi. La Bourse de Paris a ouvert en hausse ce matin, plus 0,46%. La tendance est désormais à la très légère baisse. Le CAC 40 tourne autour de 4383 points. Les courses au Lion d'Angers cet après-midi. Les pronostics de Bernard Glace pour le Quintet. Il vous conseille de jouer le 12, le 9, l'As, le 8, le 6, le 5, le 3 et le 2. La dernière minute de Bernard, c'est l'As Alzaro de Villeray. Il est 10h04 et vous êtes sur RTL, bien sûr, avec Julien Courbet. Merci Marie, à tout à l'heure 11h. Prenez soin de vous. Merci. Je vous en prie. Nous allons donc rappeler à tout le monde que c'est jour de chance, puisqu'il y a aujourd'hui les meilleurs avocats qui sont là. Il y a Maître Novakovic, l'avocat spécialisé dans le divorce, mais dans tout, finalement, tout comme la divine à Maître Fellono, Bernard Sabat négocie. Et un point info immédiat, car depuis 9h30, il s'est passé beaucoup de choses, et ce n'est que la première demi-heure. Il en reste encore beaucoup à faire. Le point sur tous les cas, c'est la minute info. J'étais tranquille, j'étais peinard. À coup d'éo flipper, le type est entré dans le bar, a commandé un jambon beurre. Renault, ça ne fait pas de mal, mais c'est pas du tout ce que nous a raconté Richard. Cela fait plus d'un an et demi que j'attends qu'une compagnie des eaux m'indemnise de 3 200 €. Elle a été reconnue coupable d'une fuite dans ma cave et j'ai dû tout payer pour un pompage. Donc Richard a dû payer pour pomper et c'est à cause d'une canalisation de la grande compagnie Veolia. Nous avons eu d'abord une charmante personne au standard qui doit nous passer quelqu'un d'autre et vous êtes sur le coup Bernard Sabat, je n'ai pas entendu l'alerte. Bah écoutez, je ne vous ai pas envoyé d'alerte, mais j'ai quand même appelé la direction générale comme vous l'avez demandé et j'ai donc eu l'assistant de monsieur Alain Franqui qui m'a dit: monsieur Sabat, on laisse pas tomber l'affaire, laissez-moi 30 minutes à 10h30, vous m'appelez, je m'appelle Chantal, je suis à la direction du service client, je prends le dossier en main. Voilà les bon, infos. Voilà, ben alors on peut le dire, Alain Franqui, c'est bon, il va donc pouvoir nous aider. Cyrielle nous a appelé, elle, c'est pour une histoire de photos. Je cours après une agence de presse qui me doit de l'argent et qui utilise mes photos sans me payer. Je suis tombée par hasard sur deux de mes photos dans un magazine. Je n'ai rien reçu. Qui sait s'il n'y en a pas d'autres ailleurs. Dossier très intéressant. Nous avons donc appelé l'agence où nous sommes tombés, je crois, à la comptabilité. Elle nous a dit « Vous êtes très gentil, monsieur Courbet », mais j'ai bien senti que le gentil n'avait pas forcément la signification que j'aurais espéré. C'est pas espéré. Très agréable. Mais elle m'a dit « Je vous passe au rédacteur en chef » et c'est le cas, Marie. On l'a eu sur son téléphone portable, monsieur Éric Lemire, qui est en ligne, Julien, et qui veut vous parler. Bonjour, monsieur Lemire, soyez le bienvenu sur l'antenne d'RTL. Bonjour, monsieur Courbet. Monsieur Lemire, simplement avant de démarrer, il y a donc Cyrielle qui est en ligne. Je voudrais que Maître Novakovic rappelle un petit peu les conditions de vente de votre contrat. Tout à fait, donc il y a bien, il est prévu qu'il y ait une commission de 50% sur les ventes réalisées, payées sur facture, et un relevé de vente doit être envoyé par l'agence panoramique en cas de vente. Donc ça c'est très important. Et donc il y a eu des photos qui sont parues dans un magazine de football, je crois, féminin, si je ne m'abuse, Foot Féminin Magazine, et elle n'a pas été payée. Bon alors, elle veut savoir déjà s'il y a d'autres photos qui ont été vendues, mais déjà pour commencer, pourquoi celles-ci n'ont pas été payées puisque vous les avez forcément vendues à Foot Féminin? Bah oui, tout à fait, mais dans ce cas-là, il faut peut-être attendre que le journal nous envoie le relevé de vente, déjà pour commencer, comme tous les journaux le font. Avant les vacances, j'ai eu mademoiselle Cyriel, comme quoi je lui ai dit que les photos, bien sûr, j'attendais que le directeur de la publication m'envoie le numéro pour pouvoir lui facturer les photos, lui verser sa commission à 50% les ventes. Mais vous les avez vendues combien? Et j'ai eu le photographe, bah, si vous voulez, ça c'est dans Football Féminin, de toute façon, on a un accord avec le magazine pour un volume de photos avec un tarif. Voilà, donc après, en fonction du nombre de photos, elle touchera une commission de 50% sur les ventes. C'est comme ça que l'on fonctionne. Et le numéro date de quand? Attendez, je n'ai plus en tête le numéro. Cyriel, le numéro date de quand? Là, le numéro, moi, en tout cas, j'ai vu le magazine qui est sorti en juin ou juillet. Voilà. Mais est-ce qu'ils vous font une demande en vous disant on a besoin de photos, on vous prend celle-là, celle-là, celle-là? Ils le font, ça? Non, mais en fait, je pas vous, Cyriel. Pas vous, Cyriel. L'agence panoramique. Ils vous font une demande pour avoir des photos. Allô? Allô, oui, monsieur, je suis en train de vous demander, est-ce que le magazine de foot vous fait une demande en vous disant on voudrait utiliser telle photo? Non, le magazine a un accès sur notre site internet, comme tous les magazines de presse en France, ou que ce soit même les télés, les émissions de production. Ils regardent sur notre site internet, après ils choisissent des photos et après ils les publient. D'accord. Donc une fois qu'elles sont publiées, ces photos, le journal doit nous envoyer un relevé avec le nombre de photos utilisées. Mais le photographe ne sait pas combien ça va être vendu, par contre. Non. Ça peut être au tarif, soit un tarif décidé par soit la production, soit par le magazine. Comme vous connaissez le marché certainement de la presse. Bien sûr. Je connais le marché de la production, mais c'est pas nous qui décidons du prix, parce que si je décidais du prix, je dirais c'est 10 centimes la photo. Malheureusement, c'est pas ce prix-là. Mais ça dépend. Vous savez, les photos, quand vous voyez sur l'internet, ça varie de 5€ la photo à 1€. Admettons. Au niveau des productions, Est-ce que vous savez s'il y a eu d'autres photos de prise ailleurs? Non, pour l'instant, sur les relevés de vente que j'ai, je n'ai pas de photos prises ailleurs. Ça marche. Donc, ce qu'il nous faut savoir, c'est aujourd'hui pourquoi vous vous attendez des nouvelles du magazine de foot. Donc, ce que je vous propose, Oui, moi, j'attends que le magazine m'envoie. D'accord. Le journal. Eh bien, Cyriel va vous l'envoyer puisqu'il est en kiosque. On va gagner du temps, la pauvre. Si vous voulez, parce que Sébastien Lahel, le directeur de la rédaction, m'a dit qu'il m'envoyait le magazine il y a trois jours. Elle en a un, on va vous l'envoyer et on va aussi les appeler, comme ça elle peut se faire payer. Je vous retrouve dans une seconde, monsieur, ne quittez pas parce que c'est intéressant. Pour les 40 ans de l'auto, ce vendredi, super loto exceptionnel de 13 550 865 euros. À partager au rang 1, voire règlement. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Faites demi-tour dès que possible. Quand Fabrice est perdu et essaye de retrouver son chemin depuis 2 heures, dans sa tête, ça fait... Gardez toujours le sourire avec Citroën. En ce moment, avec le pack Smile & Go, Citroën C4 Cactus avec entretien, garantie et assistance inclus est à partir de 135€ par mois. Portes ouvertes du 16 au 19 septembre selon autorisation. Citroën. Location longue durée 36 mois, 30 000 km après un premier loyer de 1 800€. Offre valable jusqu'au 31 octobre sous réserve d'acceptation par crédit par. Détails sur carstore.citroën.fr. France 2. Du lundi au vendredi, on se fait du bien, on crée du lien avec les émissions de l'après-midi. Mille et une vies et mille et une vies rêvées. Visite privée, Amanda, Actuality et n'oubliez pas les paroles. Du lundi au vendredi, l'après-midi, c'est encore et toujours mieux sur France 2. Allopneu.com. Difficile de choisir le bon pneu? Le pneu Michelin Cross Climate s'adapte à toutes les conditions. Hiver comme été, avec le pneu Michelin Cross Climate, vous êtes en sécurité toute l'année. Commandez, faites monter vos pneus Michelin Cross Climate sur allopneu.com. Chez allopneu.com, tous nos centres de montage sont certifiés. Et il y en a forcément un, à moins de 5 km de chez vous. Jusqu'au 27 septembre, achetez 4 pneus Michelin Cross Climate et bénéficiez du montage offert. La sécurité par tous les temps avec Michelin. Conditions sur allopneu.com. Allopneu.com. Vente et montage de pneus. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Cyriel, avez-vous entendu ce qu'a dit ce monsieur? Avez-vous quelque chose à lui dire? Ben moi, j'aimerais savoir vraiment s'il y en a pas d'autres ailleurs, parce que moi je me pose des questions. Ben ouais, il a dit non, mais comme on m'a pas dit aussi qu'il y en avait qui étaient vendus, d'accord. Si je n'en étais pas persuadé. Monsieur, attendez, pas dire si on a vendu. Vous savez, l'agence Panoramique, ça fait plus de 20 ans qu'elle existe. Il y a plein de photographes avec qui nous travaillons de province. Ouais. Nous n'avons jamais eu aucun problème avec aucun de nos photographes. D'accord, super. Que ce soit des pigistes de province. Ouais. quand on voit toutes les grosses agences qui ont tendance à s'écrouler et ainsi de suite. Nous, s'il y a beaucoup de photographes qui font appel à nous, ou nous, on fait appel à certains photographes quand on a des demandes spécifiques pour enrichir une offre pour pouvoir servir nos clients. Ok, monsieur, j'ai bien compris. D'accord. Aujourd'hui, restons pour l'instant sur le problème. Aujourd'hui, il y a une dame qui vous a donné des photos. Ces photos, elles ont été achetées par un magazine. Vous ne savez pas si le magazine les a publiées parce que vous attendez d'avoir le magazine. Le magazine a publié les photos. Ouais. Le magazine a publié les photos. Mais vous savez pas combien. Maintenant, j'attends que d'avoir le magazine parce que je vais pas acheter tous les magazines de France. Ah, mais il y en a qu'un à acheter, monsieur, ceci étant dit. Mais vous savez pas combien elle va toucher. Et donc, en fonction du format des photos et ainsi de suite, elle aura une piste différente. Justement, pour qu'on ait un petit aperçu, Cyrielle, dans le magazine donc qui s'appelle, je le rappelle, Féminin Magazine, c'est une photo, il y a une page entière. Il y a une double page. Une photo qui fait double page et une autre qui est vraiment toute petite. Alors, prenons la photo qui fait double page. Vous savez ce que c'est, monsieur, vous êtes du métier. Combien vaut une photo double page? Mais ça dépend du volume de photo, si vous voulez. Mais de quel volume? Il n'y a que ça. Si vous appelez Sébastien Lahal, c'est un tout petit magazine qui tire à très peu d'exemplaires. Non mais vous, quel est votre contrat avec eux pour une double? Vous avez un contrat? Mais j'ai pas de contrat, je vous dis. Alors vous allez lui facturer quoi alors? Un forfait en fonction d'un volume de photos. Voilà. C'est-à-dire que qui est de 0 à 30 photos, la personne paiera une certaine somme. Qui est de 30 à 50 photos dans le magazine, la personne paiera une certaine somme. Quelle que soit la taille de la photo? Non, c'est-à-dire qu'après, je fais une répartition en fonction des grandes photos et des petites photos. D'accord. C'est-à-dire que quand je fais la répartition, une petite photo, elle aura un prix différent par rapport à la petite photo que par rapport à la grande photo. Alors, on essaie d'avoir donc le magazine. Bernard Sabat. Alors, j'ai appelé donc Foot Féminin Magazine, édité par les éditions La Halle. Je suis tombé sur leur répondeur. Je leur ai laissé un message en urgence pour qu'ils nous rappellent avant 11h, Julien. Bon, mais ils sont jamais joignables. Alors, vous me rassurez. Voilà. Alors, on lance un appel à Foot Féminin Magazine à Saint-Savigny, 4 rue de Taillebourg. Et qui est le responsable, monsieur? Sébastien Lahal. Sébastien Lahal, merci de nous dire combien vous avez utilisé de photos dans le forfait pour que Cyrielle, qui a travaillé, puisse être payée et qu'elle sache. Mais ça peut être aussi 3, 4 euros, 5 euros. Hein. J'ai entendu ça tout à l'heure, la photo. Oui, non, pas pour du print. Hein. Ah bon, pas pour du print. Oui, c'est Bernard. Ça peut être de l'Internet, voilà. Ah oui, d'accord, compris. Monsieur, vous pourriez me donner hors antenne le portable éventuellement de monsieur Lahal, vous avez l'air de bien le connaître, comme ça je pourrais l'appeler en off, comme ça il n'y a pas de souci. Ah bah écoutez, son portable, j'ai pas son portable, comme ça je peux pas regarder. Portable. Ah ouais. Et puis vous le contactez, puis si vous voulez. Bon, là, alors nous, monsieur, ce que je vous propose, c'est que si on l'a pas aujourd'hui, nous on va vous envoyer là tout de suite par, vous allez me donner un mail, je vais vous envoyer les photos, puisque je les ai. Et puis vous allez regarder les photos, comme ça vous comptez la payer quand alors? Ah bah dès que le client... Mais s'il vous rappelle pas, monsieur, s'il ne vous rappelle pas, le client... Non, mais le client, ça y est, il m'a envoyé un mail comme quoi il m'a envoyé le magazine, donc après j'édite une facture... D'accord, donc vous allez le recevoir quand, le magazine, à votre avis, monsieur? Ah bah j'espère, il m'a envoyé un mail il y a 2 jours, écoutez, on est quoi aujourd'hui? On est mercredi. On est mercredi. Je vous appelle vendredi sur l'antenne d'RTL en direct et vous me dites que vous avez reçu le magazine ou pas, d'accord? Bah d'accord, pas de souci. Allez, on fait comme ça. Allez. Merci. Bonne journée, au revoir. Donc, c'était l'agence Panoramique. C'est quand même... moi, je ne connais pas bien, mais c'est quand même très, très, très bizarre. Ce système ne fonctionne mal. Elle ne sait même pas combien va être payée sa photo. Alors, on pourrait se dire, ça dépend de la taille, parce que ça, oui, vous faites une photo, vous ne savez pas si elle va sortir en page pleine ou en tout petit, ce qui n'a pas le même prix. Mais là, ça n'a rien à voir. Ça dépend du contrat que lui a signé avec le magazine et combien, et au bout du compte... Puis, on se demande quand lui facture, étant donné qu'il attend le relevé des magazines pour lui-même facturer. Et après, pouvoir payer, rétroverser la moitié à ses photographes. Maître Novakovic. Et surtout, très étonnant, c'est que le nom de la photographe n'est pas indiqué sur la photo. Vous êtes sûr? Parce qu'il y a deux pages. Apparemment, on ne le voit pas. Cyrielle, est-ce que vous avez vu votre nom sur la photo? Oui, il y a une des photos, il y en a un, c'est Sport & Pix Panoramique, mais il y en a un où il n'y a pas le crédit photo. C'est ça, on ne voit pas le crédit photo, et c'est obligatoire. Super. Donc cette photo, cette grande page, il n'y a pas ça. Ça marche. Allez, dans une seconde. Oui, Cyrielle. Nous, on travaille quand même, Sport & Pix travaille quand même avec Foot Féminin Magazine, en partenariat, on a notre rubrique dedans. Donc, je ne sais même pas pourquoi ils ne sont pas... Là, Cyrielle, ne vous inquiétez pas, on va lui envoyer les photos, et de toute façon, vendredi matin, parce que ça m'intéresse vraiment de savoir comment ça va se terminer cette histoire, c'est une émission qui se suit comme un feuilleton. Et vendredi matin, vous serez sur l'antenne d'RTL et nous allons avancer. Mais d'ici là, vous aurez peut-être du nouveau. Il faudra le donner, bien sûr. J'espère, il n'y a pas de souci. Vous pouvez compter sur nous, Cyrielle. Bon, génial. Merci à vous. La grosse enquête, je vous en prie, gros bisous, va démarrer dans quelques instants. Voilà ce que nous a dit Sophie.

mais pas au même prix. Lidl. Prix moyen constaté du 25 juillet au 11 août 2016 dans l'enseigne la moins chère parmi les enseignes relevées, portant sur café carte noire non disponible chez Lidl. Composition des produits et plus d'infos sur Lidl.fr. Carte noire, 11,87 euros le kilo. Lidl, 5,38 euros le kilo. Comme j'aime, je me suis lancée là-dedans parce que j'ai une amie qui l'avait fait et vu le résultat, ça m'a donné envie. J'ai perdu 16 kilos en 4 mois. Ce qui a changé aujourd'hui, c'est le regard des autres. Ce qui a changé aussi, c'est je me trouve plus belle. C'est dur de parler de soi. Vous aussi perdez vos kilos avec Comme J'aime. Profitez d'une réduction immédiate de 45%. 0800 507 507. 0800 507 507. Condition de l'offre par téléphone, appel gratuit depuis un fixe. Une Yaris hybride. T'as encore été augmenté ? Ben non, mais pas du tout. Elle coûte que 159 euros par mois. Une hybride à 159 euros par mois ? Ben ouais. Mais je peux en avoir une à ce prix-là ? Jusqu'au 31 octobre, la Toyota Yaris Hybrid est au prix exceptionnel de 159 euros par mois, entretien inclus. Portes ouvertes ce week-end. Toyota. Offre particulière pour Yaris Hybrid France en location longue durée 37 mois, 30 000 km, premier loyer 1990 euros, bonus écologique 750 euros déduits sous condition de reprise d'un véhicule de plus de 8 ans, sous réserve d'acceptation par Toyota France Financement, voire Toyota.fr. Lundi, j'aurai du sable dans le maillot, quand vous serez tous au boulot. Si je gagne les 13 550 865 euros de l'anniversaire, loto, voilà. Pour les 40 ans de loto, ce vendredi, super loto exceptionnel de 13 550 865 euros. À partager au rang 1, voire règlement. FDJ. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Vous écoutez le 9h30 11h sur RTL. Et voici l'enquête qui démarre. J'accueille Sophie sur l'antenne d'RTL. Sophie, bonjour. Bonjour Julien. Sophie, vous nous avez laissé un petit message qu'on peut d'ailleurs réécouter parce qu'il se passe tellement de choses dans l'émission. J'ai signé un contrat de 46 000 euros avec une entreprise en septembre 2015 qui devait me changer l'intégralité de mes fenêtres. Un an plus tard, il y a des malfaçons et les travaux ne sont pas terminés. J'ai déjà versé près de 30 000 euros et on me dit que je ne suis pas une priorité. Car vous êtes maman au foyer, en parallèle vous faites chambre d'hôte et en septembre 2015 vous passez par une entreprise spécialisée dans les fenêtres pour changer l'ensemble des ouvertures de votre maison. Il y en a pour plus de 46 000 euros et le délai après signature est de 8 semaines. Mais il ne sera absolument pas respecté. Pire, aujourd'hui les travaux ne sont toujours pas terminés. Rappelez-nous, la date de signature c'est septembre 2015, c'est ça ? Alors oui, c'est le 25 septembre 2015. Donc on pourrait se dire qu'en octobre ça aurait dû être terminé. Non, 8 semaines, en novembre, oui. en novembre. D'accord. Que vous dit aujourd'hui l'entreprise ? Elle ne veut pas terminer les travaux tant que vous n'aurez pas réglé la totalité de la somme. Je rappelle que vous avez versé combien, Sophie, à ce jour ? 70%, donc à peu près 30 000 euros. Donc aujourd'hui, si j'ai bien compris Maître Novakovic, ils disent on ne finit pas les travaux tant que vous ne payez pas. Et elle dit, attendez, je ne vais pas payer pour quelque chose qui n'a pas été fait. Tout à fait, elle refuse de payer le solde et elle a raison. Cela étant, elle leur a adressé plusieurs courriers, elle s'est fait assister à un service juridique qui a constaté malheureusement les défauts, donc il est temps de les appeler pour résoudre ce problème. Alors, au plus tôt. Car il n'est pas question que de retard et de paiement. Enfin, il n'est pas question de si tu ne paies pas, je ne fais pas. Il est aussi question malheureusement de défauts. Alors dites-moi deux mots là-dessus, Sophie. Quel défaut ? Alors, j'ai la moitié des fenêtres en fait. On a payé une plus-value pour avoir un plaquage sur une fenêtre en PVC pour avoir une couleur en fait. Et la moitié des fenêtres, donc 16 sur 33, ont des éclats en fait de peinture. D'accord, moi ça me parle tout à fait. Je m'y connais un petit peu quand même, Sophie. Dans deux fenêtres signées sur devis qui ne correspondent pas aux devis. Bon, il y a eu un point qui a été fait, je crois, sur... j'ai une liste là que me donne Maître Novakovic. Nous venons de refaire le point sur ce qui a été fait durant ces trois jours des 21, 22, 23 juillet. Alors, voici la liste qui n'ont pas pu être refaites et qui ne sont pas conformes à ce qui a été demandé. Le cache-gond est à changer. Les poignées sont à changer, carrées. Le bas de la fenêtre est cassé ou fissuré. Les finitions sont inesthétiques. Certains joints silicone de mauvaise couleur. Noirci par le traçage. Nettoyage des vitrages, des menuiseries. Certains n'ont pas été correctement nettoyés, etc., etc. Eh bien, avant d'appeler, voyons un petit peu où nous mettons les pieds. Marie, vous avez mené une petite enquête sur cette société. Et en fouillant un peu sur l'entreprise, bah, je n'ai pas trouvé de l'or, hein, malheureusement, mais des clients désespérés, Julien, et deux d'entre eux ont accepté de témoigner. Donc d'abord, on écoute Rémi, qui a fait appel à la société en 2014 et qui ne s'en sort toujours pas. Ça fait maintenant 3 ans, ils sont venus nous installer une baie vitrée. Cette baie vitrée est arrivée abîmée. Donc on a une baie vitrée qui est abîmée et qui ne se verrouille pas. Rémi a donc une fenêtre qui ne se ferme pas et pour l'anecdote, il a dû faire installer une alarme sur la baie vitrée pour être sûr que personne ne rentre chez lui. C'est hallucinant. Il y a aussi Romaric qui leur a commandé des fenêtres et qui n'a pas été déçu du SAV. Oh, ça a duré, attendez, juillet, août, septembre, octobre, novembre, 6 mois. Donc 6 mois avec des problèmes de fenêtres. Voilà, je les ai commandés au mois de juillet et ça a été installé au mois de décembre. D'accord, la quatrième fois vous êtes déplacé, vous leur avez dit maintenant ça suffit. Voilà, et encore, les fenêtres elles sont même pas encore bonnes. Alors ça, c'est deux autres clients, hein, que les choses ne soient bien claires. Mais est-ce que justement, la Romaric que l'on vient d'entendre, ses fenêtres sont enfin posées? Ah oui, alors il m'a clairement avoué que l'agence a fini par les poser, car il est allé à l'agence pour les menacer en leur demandant de faire le plus vite. Il est clairement pas satisfait du résultat. Mais vous avez un troisième témoignage apparemment. Oui, qui est différent. Il s'agit du président de l'association départementale des consommateurs de l'Aube, monsieur Odigier, qui a essayé de défendre notre auditrice Sophie. Un rendez-vous a été fixé avec notre entreprise il y a quelques mois. Il y est allé. Écoutez, il nous raconte. Eh bien, disons que je me suis rendu sur place et il y avait un représentant de la société. Ils m'ont constaté certaines malfaçons dans de nombreuses pièces. La salle de jeu, les chambres des parents, mais des poignées à changer, des bas de fenêtres cassés, qui n'étaient pas du tout du même modèle. Et donc, à la suite de ça, le monsieur l'a constaté. Il était prévu que l'entreprise devait intervenir à la suite de cela. Et je vais revenir pour finir les travaux, 7, 8, 9 septembre. Ils ne sont pas intervenus. Non, ils ne sont pas intervenus. Et même, ils ont décidé, ils ont dit qu'ils avaient d'autres priorités. Ils ont clairement dit à notre auditrice, Julien, avoir mieux à faire. Ah, je sens que le coup de fil qui arrive va être extraordinaire. Un dernier point et puis on va lancer les appels, mais c'est important que vous connaissiez bien le contexte. Et pour finir, j'ai voulu téléphoner à cette société pour en savoir un peu plus, pour savoir comment ils reçoivent leurs nouveaux clients. Je vous confirme que le numéro de fixe que j'ai composé, Julien, était le bon, mais écoutez sur qui je suis tombée hier après-midi. Ah non, non, vous êtes trompé de numéro, il n'y a pas de souci. Voilà, au revoir. Allô? Allô? Ah, je suis désolée, je retombe sur la même personne. Je suis désolée, on vient de me donner ce numéro-là. Ah, pas du tout, là, vous êtes à Anguin. Je suis un simple particulier, c'est un portable. Mais c'est fou, ça. 06 12, rien à voir, aucun rapport. Ah, voilà, donc on appelle la société et on tombe sur un le mari de Maître Novakovic, parce qu'elle est Anguin. J'ai reconnu sa voix, c'était lui. Bon, ça ne fait pas à chaque fois, donc je passe juste les doigts pour que ce matin on arrive à les joindre. Mesdames et messieurs, nous allons lancer l'appel dans une seconde sur l'antenne d'RTL. Et j'espère vraiment que nous allons avoir quelqu'un. Car là, il y a un chantier de près de 40, 50 000 euros, 46 000 euros en jeu. Et il va y avoir des conseils à vous donner. Ne vous lancez pas comme ça. Hein. Alors, on parle de fenêtres, prenez la marque que vous voulez, la question n'est pas là. Mais faites très attention, il nous faut une explication. L'appel arrive sur RTL. Parlons des pros avec Renault Pro Plus. Jean, à 8h tu poses un disjoncteur. À 9h10 tu files chez Monsieur Dubois. Avec EasyPack Pro, Renault vous simplifie la vie. Kangoo est à 129 euros par mois sans apport. Tout est inclus. Entretien, garantie, assistance. Les jours boosters du 19 au 23 septembre. Des offres exclusives et un Kangoo à gagner chez nos partenaires pros. Loyer Tax Credit Buy maintenant 60 mois, 80 000 km pour Kangoo Express. Sous condition de reprise, réservée aux professionnels jusqu'au 30 septembre, si acceptation par Diakassa. Règlement et liste partenaire sur Renault.fr. Le magique anniversaire de Butte, c'est en ce moment. L'aspirateur Treno Dyson est à 239,99€ au lieu de 439,99€. 200 euros de moins sur un Dyson dont 40 euros en bon d'achat. Moi, on me dit ça, j'y vais. Butte, c'est nous. Voir conditions en magasin ou sur butte.fr. Chérie, tu passes l'aspirateur? Ah bah non, je peux pas. Pourquoi? Parce que je vais chez Butte. Ah bah oui. Quand j'ai rencontré ma femme, on était bénévoles dans une petite association. Une fois mariés, on a continué à agir ensemble en participant à des collectes alimentaires. Et depuis qu'on est à la retraite, on donne un peu de notre temps en faisant du soutien scolaire. Aujourd'hui, on a pris une décision pour continuer à s'engager. On va faire un leg à la Fondation de France. En faisant un leg à la Fondation de France, vous faites vivre vos engagements en ayant l'assurance que vos volontés seront durablement respectées. Renseignez-vous sur fondationdefrance.org. Fondation de France, la fondation de toutes les causes. Bon, alors, tu veux quoi comme cadeau? Je sais pas, soit un ordinateur, ou une tablette, ou sinon un smartphone. J'hésite. Qu'est-ce que ça va être quand on va changer de voiture? Un Nissan Qashqai. Certains choix s'imposent d'eux-mêmes. Pendant les journées technologie Nissan, Nissan Qashqai est à partir de 249€ par mois avec 4 ans d'entretien inclus. Pour Nissan Qashqai Vizia DIGT 115 et l'LD 49 mois avec 2000€ d'apport jusqu'au 30 septembre si accordiaque. Entretien hors pièces d'usure et pneus, portes ouvertes du 16 au 18 septembre. Nissan, innover autrement. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Et c'est parti, nous appelons tout de suite, si vous le voulez bien, pour Sophie. Là, je crois qu'on y voit plus clair. On appelle la société et les avocates vont pouvoir expliquer leur point de vue à la personne si nous l'avons. Si elle existe encore, malheureusement, parce qu'on en arrive à se demander si ça existe encore. Hein. Puisque quand on fait le numéro... Ça a l'air d'être bien parti. Je vous remercie de votre appel. Ah là, c'est une bonne nouvelle, apparemment. Patientez quelques instants. Donc ça existe, porte, ça c'est top. Fenêtre, volet roulant, PVC, aluminium, pont menuiserie, du sur-mesure pour vos ouvertures. Venez découvrir la qualité de nos produits dans notre showroom, rue Maryse Bastier à Barberet. Votre correspondant n'est pas disponible actuellement. Veuillez rappeler ultérieurement. Bien, nous avons un deuxième numéro, Marie. Oui. Alors justement, Julien, en faisant des recherches, on trouve une autre société qui serait apparemment la société mère hein, de cette boîte. D'accord. Je leur ai téléphoné hier après-midi, on m'a bien confirmé que c'était la même boîte, donc on peut y aller. Allez, c'est parti. On fait donc le deuxième numéro de la société dite mère pour essayer d'avoir quelqu'un. Sophie, c'est un gros dossier. Hein. Je ne vais pas vous mentir, je ne suis pas sûr qu'on puisse le régler en 28 minutes, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il est prioritaire et ça veut dire qu'on y revient demain et après-demain. Jusqu'à ce qu'on ait quelqu'un. Donc là encore, allô, Prolif. Oui. Oui, bonjour monsieur. En fait, je voulais savoir si je pouvais avoir quelqu'un de Proporphène. Je suis Julien Courbet, nous sommes en direct sur la radio RTL. J'espère que je ne vous dérange pas. C'est Prolif, vous êtes chez Proporphène là. Oui, mais Prolif et Proporphène, c'est la même société. Oh, j'ai posé la question, dites donc. Monsieur, vous m'entendez? Oui, je vous écoute. Oui, Proporphène fait bien partie du groupe Prodif. Non, du tout. Ça n'a rien à voir. Alors, ça Marie, parce que hier on vous a appelé et c'était pas le cas. Marie. Alors monsieur, si vous voulez vraiment que j'aille chercher dans mes tiroirs, j'ai un petit son de vous hier me racontant que vous faites partie de la même société. C'est monsieur, comme vous voulez, hein, mais je peux y aller. Là, il y a quand même quelques millions de gens qui nous écoutent et quand on va sur le site, de, vous savez, les sites où l'on connaît les historiques des sociétés, il y a marqué SAF Prodif, président... de l'entreprise Proporphène. Ah, attendez, quittez pas. Mais vous étiez peut-être pas au courant, monsieur, hein, ceci étant dit. Oui, quittez pas. Alors, passez, quittez pas. Est-ce que vous pouvez me passer Moussa Egoul ? Quittez pas. D'accord, merci. Alors, est-ce que vous aviez eu la même personne, Marie ? On n'en est pas sûr. Hein. Bah, évidemment, je ne vais pas l'affirmer, mais il me semble que c'est la même personne. Mais peut-être qu'il n'est pas au courant. C'est vrai que, par exemple, RTL a des actions dans plein de sociétés. Si on appelle au standard, peut-être que la personne au standard ne le sait pas non plus. Hier, quand je me suis fait passer pour la cliente, il m'a clairement dit de lui envoyer tous mes plans, etc., pour m'installer des fenêtres. Ouais. Je lui ai dit, mais vous êtes le responsable. Et là, il a changé de discours tout de suite en me disant, non, je suis juste commercial. Donc, nous essayons d'avoir la menuiserie Proporphène. Il y aurait un Jérôme Blasco qui serait le contact. Elle, la société Proporphène, pour qu'il n'y ait pas de confusion, se trouverait à Barberet Saint-Sulpice, rue Maryse Bastier. Et elle ferait partie d'un groupe qui est la SAS Prodif, qui est donc, d'après les sites Rini et compagnie, la SAS Prodif est la présidente de cette société Proporphène. Et là, nous avons le standard et nous essayons d'avoir quelqu'un. Inutile de vous dire qu'on fera une alerte dès que quelqu'un arrive parce que c'est important. Vous avez entendu l'alerte, donc on rebascule sur un autre dossier. Oui, Julien, c'est le dossier de Cyrielle et les fameuses photos. Vous m'aviez demandé de laisser un message au magazine Foot Féminin Magazine. Monsieur Lahal est ici même en ligne et il souhaite vous parler. Je le prends tout de suite. Bonjour Monsieur Lahal. Oui, bonjour Monsieur Courbet. Monsieur Lahal, nous sommes en direct sur l'antenne d'RTL. Cyrielle prend des photos. Ces photos, elle les donne pour vente à Panoramique. Apparemment, Panoramique vous les vend et elle attend d'être payée. Quand on appelle Panoramique, ils nous disent « Mais ils ne nous ont jamais envoyé le Foot Féminin Magazine, donc on ne peut pas savoir combien de photos ont été utilisées, etc. » Alors on se tourne vers vous parce que c'est vous qui avez la clé pour débloquer la situation. Oui, ben en effet, après j'ai eu effectivement un contact avec l'agence Panoramique avec qui on travaille pour utiliser en fait les photos dans le magazine et ils nous ont fait un mail en demandant de l'envoi des magazines, je crois, pour lister et pour ensuite payer leur pigiste photographe. Oui. On doit s'en occuper, leur envoyer les exemplaires des magazines. Parce que le magazine est sorti quand ? Alors, le dernier magazine est sorti cet été, mi-juillet. Vous vous rendez compte, elle attend pour être payée, monsieur, on va bientôt être en octobre. Et d'autre part, il y a donc une page double, on l'a vu, on est d'accord ? Une page double ? Il y a les photos ? Je ne sais pas. Ah ben, c'est votre magazine, monsieur. Moi, je vous le dis, il y a une photo double prise donc par cette photographe. Oui, oui, oui. Voilà, oui, plus une petite photo. Combien ça vaut une double ? Combien vous l'achetez ? Vous le savez ou pas ? Alors, nous, on a un forfait avec l'agence Panoramique. Nous, en fait, on passe pas en direct avec les photographes. Hein. J'ai compris. Mais combien ? Parce qu'elle va toucher 50% de ce que vous l'avez acheté à Panoramique. Alors, moi, je paye pas à la photo. On a un forfait avec l'agence panoramique. Et donc, à peu près, est-ce que vous avez calculé par rapport au forfait? Ben, je sais pas si je peux vous donner le forfait qu'on a négocié avec l'agence panoramique. Non, donnez-moi au moins ce que vous pensez que vous allez payer par rapport à votre forfait, cette double page. En ratio, on a un nombre illimité de photos à utiliser avec l'agence panoramique pour un montant donné. Donc, en fait, jusqu'à 30 photos, on donne tel montant et ensuite, c'est surfacturé. Alors, 30 photos, est-ce que vous avez utilisé les 30 photos ou pas? On utilise à chaque fois environ 30 photos en restant évidemment en dessous du quota, quoi. Parce que bon, on peut pas. Est-ce que vous pouvez essayer de nous dire à peu près combien elle va payer? Elle va être payée. Enfin, c'est quand même fou qu'elle n'arrive pas à savoir. Elle a travaillé, elle ne sait même pas combien elle va toucher. Ben oui, mais ça, c'est. Enfin, honnêtement, ce n'est pas de notre fait. Ça, c'est des négociations ensuite entre les photographes et l'agence. Mais là, maintenant que vous savez ce qu'elle a, que vous connaissez votre forfait, vous allez bien pouvoir le calculer. À un moment donné, il va bien falloir calculer un prix. Quand est-ce que vous connaîtrez le prix? Mais nous, on peut pas connaître le prix que l'agence rétribue ses photographes. Non, mais ça, oubliez. C'est le prix. D'accord, ça, j'ai compris. C'est 50%, de toute façon, c'est simple. Mais quand est-ce que vous allez pouvoir déterminer le prix que vous allez payer à l'agence? Ah, mais le prix, il est déterminé par contrat au départ. Oui, mais alors, est-ce que combien vous allez leur donner qu'on puisse savoir combien elle va toucher? C'est ce que je vous dis. Je sais pas si je peux divulguer le contrat qu'on a mis, ou avec lequel on. Alors, est-ce que vous pouvez lui dire hors antenne, on ne divulguera pas, mais qu'elle sache combien elle va toucher? On le dira pas sur l'antenne, mais qu'elle sache à peu près combien elle va toucher. Ben moi, je peux vous dire effectivement le forfait pour lequel on s'est mis d'accord avec l'agence Panoramique sur les premiers numéros, puisque c'était un lancement. D'accord. Filmé un magazine. Ok. Et voilà, ça, je peux tout à fait vous le dire. Ah mais ben après, comme c'est sous contrat et tout ça, je sais pas si après ils négocient peut-être d'autres tarifs avec d'autres prestataires. Donc moi, je peux pas. D'accord. On s'engage nous à ne pas dire le montant du tarif, mais elle veut juste savoir. Alors en rentrée, je vous passe quelqu'un qu'elle sache juste combien elle va toucher. Super. Bon, on a bien. Avancez. Allez, mesdames et messieurs, maintenant, il faut repartir dans quelques instants sur les fenêtres. Vous avez vu que ça bouge, c'est le Money Time. Le Money Time, c'est les 20 dernières minutes. Ça arrive de tous les côtés. Et vous le savez, c'est là qu'il faut vraiment être efficace pour essayer de régler un maximum de problèmes avant la fin de l'émission 11h. Mais quoi qu'il arrive, ça se suit comme un feuilleton. Et demain, à 9h30, on remet ça. Il est 10h38, c'est le 9h30, 11h d'RTL. Les coups de fil continuent après ceci. De l'auto, ce vendredi, super loto exceptionnel de 13 550 865 euros. À partager au rang 1, voire règlement. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Comme j'aime, je me suis lancée là-dedans parce que j'ai une amie qui l'avait fait et vu le résultat, ça m'a donné envie. J'ai perdu 16 kilos en 4 mois. Ce qui a changé aujourd'hui, c'est le regard des autres. Ce qui a changé aussi, c'est je me trouve plus belle. C'est dur de parler de soi. Vous aussi perdez vos kilos avec Comme J'aime. Profitez d'une réduction immédiate de 45%. 0800 507 507. 0800 507 507. Condition de l'offre par téléphone, appel gratuit depuis un fixe. Le mois Carrefour. Pendant le mois Carrefour, il y a des deals du jour complètement renversants. Oh, regarde! Aujourd'hui, le téléviseur LED HKC 61 cm est à seulement 99,90€ au lieu de 129. Alors là, j'en crois pas mes yeux. Wow. Pendant le mois Carrefour, les deals du jour, c'est tous les jours une offre renversante. Aujourd'hui, dans les hypermarchés Carrefour et sur carrefour.fr, le téléviseur LED HKC 61 cm est à seulement 99,90€ au lieu de 129. Référence EH24H4, garantie 2 ans. Carrefour. Vous écoutez le 9h30, 11h sur RTL. Les choses sont en train de se décompter à droite et à gauche. Est-ce que vous en avez su un petit peu plus, Bernard? Non, nous avons eu un souci. Ils ne sont pas sur le même standard. Donc, il faut que je rappelle tout magazine féminin. On va savoir combien Cyril va peut-être toucher. Et puis, on attend toujours les fenêtres. Marie, vous nous faites un point? Ils m'ont pris en ligne en me disant que tout le monde était occupé, Julien. J'ai dit, trouvez-moi quelqu'un. En fait, d'accord. On a déjà trop attendu. Eh bien, vous avez bien fait de dire ça. Donc, on attend toujours du côté des fenêtres. Maintenant, il n'y a plus de problème entre la filiale et la petite agence, Marie, on est bien d'accord. Ah non, mais bizarrement, après avoir discuté avec ce charmant monsieur, il est d'accord. Hier, il m'a eu au téléphone. Et oui, en effet, il y a quand même un rapport entre les deux sociétés. Ça lui est revenu. Ah bah oui. Tu sais, c'est quand. Oh, ça m'en revient, mais oui. Mais oui, RTL2, ça appartient à RTL. Parce que l'autre jour, j'ai discuté avec le président Christopher Baldelli. Je lui dis quand même, RTL2, c'est un rapport. Non, ça n'a rien à voir. Mais tu es sûr, c'est dans les mêmes locaux, ça porte le même nom. Ah oui, peut-être. Voilà, c'est exactement aussi bête que ça. Cela dit, effectivement, cette société a pris la présidence de notre point de vente en détail, on va l'appeler comme ça, depuis le 2 août. Donc effectivement, peut-être que tout le monde dans la société n'est pas au courant. Allez, enfin, la personne vient d'avouer à Marie, oui, c'est vrai, c'est vous que j'ai eu hier, et c'est vrai que je vous ai dit hier que ça avait un rapport. Ça va bouger dans quelques instants. La musique est là sur RTL, la meilleure, bien sûr, avec Coldplay. C'était Coldplay sur RTL. Avec Hymn for the Weekend. Alors ça bouge encore, c'est le Money Time. Attention, tout se joue maintenant. C'est le Money Time dans le 9h30-11h sur RTL. C'est le dernier quart d'heure et c'est là que tout s'accélère. On commence par vous, Bernard Sabat, sur quel dossier ? Le dossier de Cyril et ses fameuses photos et puis les éditions du magazine Foot Féminin Magazine. Ils ont parlé hors antenne, vous allez faire un petit point avec eux. Alors Cyril, est-ce que c'est plus clair pour vous ? Cyril, m'entendez-vous ? Oui, je vous entends, m'entendez ? Est-ce que c'est plus clair pour vous ? Bah oui et non, après je sais pas le volume de photos, s'il a été fait ou pas, si du coup ils vont le payer maintenant, je sais pas, je connais le montant oui, mais du coup je connais pas, je sais pas s'ils ont utilisé. Alors, est-ce le volume. Est-ce que vous auriez, nous on donne pas le montant du contrat, mais vous, vous allez être payé combien pour cette photo ? Cyril ? Moi je sais pas. Ah je vous sais savez pas, pas. Je vais te payer. Non non, je sais ah, pas. Ah vous l'avez pas dit monsieur, d'accord. Non, ils ont donné le montant en volume. D'accord. De combien bon, ils avaient payé à Panoramique, mais en détail non. Bon, et Cyril, ce que je vous propose, et je m'adresse également au monsieur donc de ce Foot Féminin Magazine, vous l'avez envoyé vous l'avez envoyé le magazine monsieur ou pas encore là ? Alors on va le faire effectivement, c'est une demande, donc on va le faire dès aujourd'hui, même en recommandé s'il faut. Voilà. On va envoyer les magazines ou les enfin avec les photos concernées. Comme ça Panoramique pourra enfin regarder quelles photos ont été et ensuite payer okay. ses photographes, mais nous on peut pas faire. Non mais monsieur, j'ai bien compris, mais au moins envoyez-le. Voyez, envoyez-le comme oui, ça, oui. Semaine prochaine, lundi, elle l'a reçu si vous l'envoyez aujourd'hui, et moi je peux sur l'antenne d'RTL dire elle a été payée ou pas payée, me retourner après vers l'agence de photos. On fait comme ça ? Oui, il n'y a pas de souci. Cyril, lundi sur l'antenne d'RTL, peut-être même dès vendredi, Sarah s'en charge. Une deuxième alerte, passez-moi l'appel, Marie, allez-y. Oui, tout de suite, c'est Point Menuiserie pour le des fenêtres de Sophie. Allô, Point Menuiserie ? Allô, allô ? Allô ? Merci de me parler, monsieur, s'il vous plaît. Allô ? Bon, reprenez-le. Là, nous avions Point Menuiserie, Proporphène. Allô ? C'était monsieur Blasco ? Allô ? Passez-le-moi. Vous m'entendez ? Il y a un problème, Julien, avec la ligne. Même quand je le reprends en pré-talk, ça grésille énormément. Bon, en pré-talk. Depuis quand, sur RTL, on prend les gens en pré-talk ? On peut lancer l'appel en direct. Je pense qu'il va... Mais allez-y, lancez l'appel en direct. Ils n'ont rien à cacher, j'en suis sûr. Le gérant est monsieur Axaire, d'après ce qu'on m'a dit. H-A-X-A-I-R-E. Le contact est Jérôme Blasco. Et là, c'est le Point Menuiserie Proporphène. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, 46 000 euros de fenêtres pour Sophie. Elle paie 30 000 et elle n'est pas du tout contente. Les travaux, d'après ce qu'elle dit, et c'est pour ça qu'on demande, sont mal faits. Et en plus, on lui demande de payer l'intégralité pour finir le chantier. Alors ça, c'était Proporphène. Mais la maison mère Prodif a-t-elle... Oui, allô ? Oui. Proporphène ? Excusez-moi, je suis avec un client... Vous rappelez ou... Ah, bon, c'est Julien Courbet, on est en direct sur l'antenne d'RTL. Est-ce que c'est juste pour essayer qu'on avance sur le dossier de Sophie, quoi? Ouais, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Est-ce que vous pouvez me rappeler dans 2 minutes, je suis avec un client. Alors, dans 2 minutes, est-ce qu'on peut à 10h50 pile s'appeler? 10h50, eh ben d'accord, je ferme le magasin, comme ça je peux voir. Allez, c'est super sympa, monsieur, merci beaucoup. Pas de problème. Voilà, merci, 10h50, on aura quelqu'un. C'est donc dans 3 minutes 30, pas oui. Merci. Merci. Okay, ça marche. On va peut-être avancer, qui sait. Je voudrais que l'on fasse une petite pause. Et dans une seconde, dans cette petite pause, qu'allons-nous faire ? Le temps que, dans ce Money Time, tout le monde nous répond. Vous voyez, ça bouge de tous les côtés. Nous allons revenir sur les super cas de la semaine et de la semaine dernière. Sarah a avancé. Il y a sur certains des bonnes nouvelles. Sur d'autres, il va falloir relancer les appels. Mais on ne lâche rien. L'émission aurait pu s'appeler comme ça. Mais on a décidé qu'elle s'appellerait en retour. 9h30-11h, à tout de suite. France 2. Du lundi au vendredi, on se fait du bien, on crée du lien avec les émissions de l'après-midi. Mille et une vies et mille et une vies rêvées. Visite privée, Amanda, Actuality et n'oubliez pas les paroles. Du lundi au vendredi, l'après-midi, c'est encore et toujours mieux sur France 2. La super rentrée Carrefour Market. Tiens, vous portez une cape aujourd'hui. C'est pour la super rentrée Carrefour Market, Michel. Jusqu'au 2 octobre, à vous les super pouvoirs, les promos incroyables. Des super pouvoirs ? Oui, en exclusivité chez Carrefour Market, vous pouvez collectionner 16 figurines de vos héros Marvel préférés, comme Spider-Man, Iron Man ou Captain America. Une figurine vous est remise en caisse par tranche de 30 euros d'achat. Ah, vous serez toujours mon super héros. Carrefour Market. Offre soumise à conditions. Modalités et magasins participants sur carrefourmarket.fr. La BD RTL de l'été a été décernée à Aurélien Ducoudray et Mélanie Allag pour l'anniversaire de Kim Jong-il aux éditions Delcourt. À travers le regard du petit Jun Sang, né le même jour que son cher leader Kim Jong-il, Aurélien Ducoudray et Mélanie Allag décrivent la puissance maléfique de la propagande du régime nord-coréen. Derrière un décor de carton-pâte coloré, Pyongyang peine à camoufler la misère et les privations de liberté. Petit à petit, l'enfant découvre la triste réalité. L'anniversaire de Kim Jong-il aux éditions Delcourt, BD RTL de l'été. Je voudrais emmener tous mes amis faire la fête à Miami. Alors il me faut les 13 550 865 euros de l'anniversaire loto. Pour les 40 ans de loto, ce vendredi, super loto exceptionnel de 13 550 865 euros. À partager au rang 1, voire règlement. FDJ. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Vous écoutez le 9h30, 11h sur RTL. Là, nous revenons quelques instants, si vous le voulez bien, sur des cas qui sont passés, le temps que ça se décante sur tous les cas lancés depuis 9h30. On commence par Guy. Guy nous avait dit ceci. Je suis entrepreneur. Une société d'ingénierie m'a fait travailler. J'ai réalisé pour elle une mission d'économie de chantier, mais depuis, j'ai les impayés et j'en ai pour 4 770 euros. Trois factures et 4 760 euros d'impayés. Donc, résumé des épisodes précédents, Sarah, le gérant de la société vous avait dit non, mais il faut qu'il m'envoie un chèque, etc. Or, il n'y avait pas de chèque. C'était une traite et on ne comprend toujours pas pourquoi cette personne n'a pas été payée. C'est bien ça, Julien. En fait, il m'avait envoyé un mail. Il m'a fait appeler par trois avocats pour m'expliquer que cette traite avait été mal remplie par notre auditeur. Il s'avère en fait que notre auditeur m'a renvoyé les documents. J'ai bien vérifié une seconde fois et tout allait bien. De ce fait, j'ai renvoyé un mail à Monsieur Badawi pour lui expliquer qu'effectivement, de mon côté, je ne voyais pas où était le problème. En revanche, pour arranger au plus rapide cette affaire, ça serait bien qu'il se rencontre. Comme ça, notre auditeur lui remet la traite refusée et en contrepartie, il lui donne soit un chèque certifié ou sinon un virement. Et à savoir, Julien, qu'on en est maintenant à 6 360 euros, puisqu'il y a la facture numéro 40, on va l'appeler, on va lui expliquer, c'est-à-dire de ce mois-ci, Julien. Mais alors que vous a dit M. Badawi, il est d'accord pour ça ? Il ne m'a toujours pas répondu, ah, Julien. C'est nous pas pourrions bien, peut-être ça. L'appeler. Faudrait M. Badawi là, qu'on avance sur ce dossier. A priori, si vous êtes quelqu'un d'honnête et que vous reconnaissez qu'il y a eu tout ceci, il suffit de se rencontrer, de régler le problème. Alors, on peut appeler, là, lancer l'appel tout de suite, essayer de l'avoir, peut-être nous écoute-t-il, et il va nous prouver qu'il est un grand patron et qu'on ne laisse pas des gens comme ça qui ne sont pas sans être payés. Sinon, il faudra à un moment donné Maître Novakovic qui passe à la vitesse supérieure, notre Guy. Tout à fait, ce dossier ne date pas d'hier. Il est évident qu'il ne faut pas hésiter à saisir le tribunal dans ces conditions pour demander même des dommages d'intérêt. Nous appelons la société OGER International, qui est rue Saint-Denis à Saint-Ouen pour qu'il n'y ait pas de confusion avec d'autres OG. Le patron est donc M. Zayed Badawi et Guy est en ligne. Hein, Guy, vous êtes là ? Oui, bonjour. Oui, bonjour OG International. Julien Courbet, nous sommes en direct sur la radio RTL. Pourrais-je avoir M. Badawi ou M. Joso ? Oui, je vous transfère tout de suite. C'est super, merci. Je vous en prie. Ça va mon Guy ? Oui, ça va et vous-même. Eh ben, dis-donc, il faut se battre dans ce dossier. Ah ben, qu'est-ce que je fais depuis plusieurs mois ? Eh ben, on va essayer d'avancer. Je ne vois pas. C'est tellement facile à régler que si on ne le règle pas, c'est qu'il y a de la mauvaise foi. Vous voyez, il peut y avoir surtout, des erreurs. Vous êtes ouvert en plus. Vous êtes ouvert. Eh bien, écoutez, oui. On est tous des ouverts, à notre façon. Mais je suis d'accord avec vous. Oui, Maître Fellonneau. C'est d'autant plus incompréhensible que chiffre d'affaires, presque 62 millions. Oui, oui. D'euros, donc franchement, là, on ne comprend pas ce qu'il... Il n'en veut pas autant, hein, Guy. Non, il en veut un petit peu. Non, moi, je veux que mes 6 660 euros, parce qu'il pourrait dire, donnez-moi l'intégralité de votre chiffre d'affaires, mais il ne veut pas. Oui, Sarah. Non, je tiens à signaler que quand même, M. Badawi m'a rappelé 2, 3, 4 fois. Bon, je pense que c'est vraiment un problème de communication, je l'espère, en tout cas. Alors, vous me faites une alerte, vous récupérez, s'il vous plaît, Sarah, M. Badawi et OG, et puis, si on n'arrive pas à bouger aujourd'hui, eh bien, mon Guy, j'ai une mauvaise nouvelle, c'est qu'on va recommencer demain, parce que ça se passe comme ça sur RTL, et après-demain, il y a aucune raison que vous ne soyez pas payé. Là, ça sonne dans le vide, on va retourner au standard. Donc, vous récupérez l'appel, s'il vous plaît, ou Marie ou Sarah. C'est le Money Time, ça va très vite, c'est pour ça qu'on se pose, on essaie de vous expliquer les situations. Trois cas ont été lancés ce matin et c'est maintenant, vous le savez, dans la dernière quart d'heure que tout se passe. Bernard Sabat, sur quel dossier intervenez-vous, s'il vous plaît ? Richard, le problème de pompage, une facture non payée par Veolia, 3 210 euros. Écoutez, en deux mots, j'ai eu quelqu'un de la haute direction qui n'a pas le droit de parler, qui doit se rapprocher de son juriste, mais qui m'a promis avant 11h de me dire un petit mot, au moins un petit compte-rendu. Voilà où on en est. Alors, c'est long. Je rappelle que Richard, il a sa cave, je crois, inondée parce qu'un gros tuyau de chez Veolia a perdu de l'eau. Ah, oui, donc ça a été prouvé, un expert est venu. Veolia était à l'expertise, personne ne conteste ça. Donc a reconnu même sa responsabilité. Voilà, a dû pomper les 3000 euros et Veolia aujourd'hui ne le rembourse pas. Il devrait parler d'ici 11h. Nouvelle alerte, c'est toujours le Money Time. Ça va vite les enfants, mais c'est comme ça, c'est la vie. Marie, s'il vous plaît, sur quel dossier intervenez-vous ? abonnez-vous. Le dossier de Sophie des Fenêtres, j'ai enfin la société SAS Prodif et j'ai un commercial en ligne donc qui est normalement la société au-dessus de celle qui a vendu les fenêtres. D'accord, bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour monsieur. Alors Julien Courbet, nous sommes en direct sur l'antenne d'RTL. Monsieur, on voudrait Nous venons faire le point pour Sophie Ladrie. Est-ce que vous connaissez bien ce dossier qui est à Montsuzin? Pas du tout, si vous m'expliquez. Là, je ne vais pas vous l'expliquer sur l'antenne parce qu'il est un peu long, mais est-ce que vous pourriez... Qui est votre contact, s'il vous plaît, Sophie? Comment? Qui est votre contact, Sophie? Sophie, c'est la cliente chez Proporphène. Non. C'est monsieur expert. Nous, là, vous êtes au siège. Nous, on est une entreprise où, ici, on est le siège. Après, il y a des anciennes points menuiserie ou des partenaires. On a un peu plus de 300 partenaires dans toute la France. Oui. Ils achètent des menuiseries et c'est des professionnels. C'est comme Triba, ils achètent des menuiseries quelque part et ils revendent derrière. D'accord. Donc, voilà. Mais alors, vous, quel est votre rapport juridique avec Proporphène, Prodif? Ben, Proporphène, c'est un partenaire. On a un partenariat avec Proporphène qui est... Mais c'est pas ce qui a marqué, il n'est pas marqué. Il n'est pas que chez nous, donc c'est pour ça. Alors, monsieur, juste, vous dites c'est un partenaire, j'ai bien compris, comme si c'était un client. Mais quand on va sur le site, sur quel site, Maître Fellono? Sur le site du renseignement du tribunal de commerce, vous assurez la présidence de cette entreprise depuis le 2 août 2016. Oui, c'est un partenariat, bien sûr. Oui, voilà, ok. Ben, c'est un bon partenariat. Après, il y a un directeur, il y a un responsable commercial là-bas, il y a du personnel là-bas. C'est... Monsieur, est-ce que vous pouvez... On va vous expliquer ça, mais il faut vraiment que ça bouge dans ce dossier. C'est une dame qui a pour 46 000 euros... Il n'y a pas de souci. Aujourd'hui, nous, 46 000 euros. Oui, c'est un dossier... Non, mais je vais vous dire pourquoi. Pourquoi vous êtes sur RTL, Sophie? Pourquoi vous n'arrivez pas à le régler avec eux? Parce que ça fait un an que j'ai passé une commande de 46 000 euros, que ça devait mettre 8 semaines. Oui, j'ai 33 fenêtres, grandes fenêtres avec des volets électriques. Et apparemment, ça a été mal posé, il manque, et aujourd'hui, vous dites qu'il faut payer tout. Et elle a dit, attendez, ça a été mal posé, ça a été constaté, etc. Et s'il faut faire quelque chose, c'est plus possible. Oui, c'est ça. J'ai versé 60 000 euros. Est-ce que vous pourrez... Voilà, il faut organiser une réunion plus vite, monsieur. Il faudra organiser, si les personnes de Troyes qui s'occupaient de... C'était madame comment de cette cliente-là ont mal fait leur travail. Donc moi, je peux... Oui, il faudra... Essayez vraiment de vous en occuper. Il nous faut un interlocuteur, monsieur, sérieux, pour le faire, d'accord? Avec plaisir, bien. Ok. Bien sûr, alors, Bernard, vous récupérez monsieur, s'il vous plaît, car il y a eu une alerte. Je vous écoute, Marie. Toujours sur le même cas, le monsieur qui est allé sur place, Julien, qui s'occupe du dossier. Ah. J'ai enfin rappelé, on l'a en ligne, monsieur Axel. Bonjour, monsieur Axel. Ouais, bonjour. Axer avec un R. Vous travaillez pour Proporphène? Ouais, c'est ça. D'accord. Alors, est-ce que vous savez ce qui se passe sur le dossier de Sophie Ladrille? Oui, bien sûr. Oui. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'on a deux dormants à changer à cause de deux éclatures et puis un ouvrant, il me semble. Donc, moi, je l'ai ici. Maintenant, il faut que j'arrive à planifier sa pose à cette dame. Et le problème, c'est que j'ai beaucoup de personnes à poser avant l'hiver et que j'ai que deux personnes qui posent pour moi au jour d'aujourd'hui. Et donc, c'est compliqué pour moi. Je comprends, monsieur, que vous ayez d'autres contrats, mais on peut pas. Elle, son contrat, il date de septembre 2015. Ouais, je sais plus. Un peu plus tard, je pense. Non, c'est septembre 2015, après ce que j'ai compris. 25 septembre 2015. Donc aujourd'hui, vous le savez, je ne vais pas vous l'apprendre, on est le 14 septembre 2016. Est-ce que je peux dire quelque chose? Mais évidemment. Voilà. Je comprends pas, moi, pourquoi on peut pas faire, depuis septembre 2015, une dame qui passe 46 000 euros de commande, 33 fenêtres, et c'est depuis septembre 2015, de quelle sorte il peut répondre de ce sorte-là? Il faut s'en occuper de suite. C'est quoi, patron qui parle de chez... Je suis bien d'accord avec vous. On ne parle pas de ce sorte. Mais là, il est en train de dire, j'ai que deux employés, et avant l'hiver, je dois tout poser, j'y arriverai pas. Il l'a même écrit. Non, c'est tout. Attendez. On peut, c'est quoi? S'il y a que, comme ils disent, il y a que deux dormants, un ouvrant à changer. Voilà ce que je vous propose, comme on est en fin d'émission. Monsieur de Prodif, voilà, vous êtes quelqu'un, vous êtes un patron, prenez ce dossier-là, on se parle cet après-midi. Vous n'êtes pas un patron. Peu importe. On va couper les deux parce que personne ne va rien comprendre. Voilà, monsieur de Prodif, vous allez nous montrer que Proporphène, ce sont des gens sérieux ou alors qu'ils laissent poireauter les gens pendant un an. Et les auditeurs se feront une idée. Donc c'est à vous, vous avez les clés de la réussite entre les mains. Demain, Sarah va rappeler tout le monde cet après-midi. Et demain, on va faire un point complet et on va voir si, oui ou non, on peut faire confiance à cette société. Pour l'instant, ça fait un an et on a quelqu'un qui nous dit « Je ne peux pas y aller parce que j'en ai d'autres clients. » Mais c'est pas acceptable. Ça fait un an qu'elle attend. Absolument pas acceptable. Oh là là, quel dossier de fou ! Bon, alors, t'as choisi ta montre ? Je sais pas. Une montre mécanique, plus classique. Ou une montre connectée, plus techno. Bah, j'hésite. Oh là là, qu'est-ce que ça va être quand on va changer de voiture ? Bah, un Nissan Qashqai. Certains choix s'imposent de même. Pendant les journées technologie Nissan, Nissan Qashqai est à partir de 249 € par mois avec 4 ans d'entretien inclus. Pour Nissan Qashqai Visia D GT 115 et l'LD 49 mois avec 2 000 € d'apport jusqu'au 30 septembre, si accordiaque. Entretien hors pièces d'usure et pneus, portes ouvertes du 16 au 18 septembre. Nissan, innover autrement. Avec l'UFC Que Choisir, réduisez vos factures de gaz ou d'électricité. Inscrivez-vous sur choisirensemble.fr. Je me suis inscrite il y a 2 ans pour le gaz. J'ai économisé plus de 200 € sur 1 an, avec en prime un contrat sûr et l'accompagnement de l'UFC Que Choisir. Au début, j'étais méfiant. Mais c'est simple, avec à la clé de sacrées économies. Cette année, je m'inscris aussi pour l'électricité. Avec l'UFC Que Choisir, mobilisons-nous. Soyons plus pour payer moins. Inscrivez-vous gratuitement et sans engagement sur choisirensemble.fr. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Bonjour, c'est Elisabeth Martichoux. En mai prochain, nous élirons le futur président de la République. Pour éclairer votre choix dans une compétition qui s'annonce hors norme, je recevrai chaque matin un invité politique à 7h45 sur RTL. Dans une société française sous tension, nous prendrons le temps de poser toutes les questions pour obtenir toutes les réponses que vous attendez. Rendez-vous dès demain matin avec Yves Calvi sur RTL à 7h45. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Nous reprenons le cas des fenêtres demain et nous reprendrons aussi le cas de la traite impayée demain. Donc soyez là parce qu'on va bouger sur tous les dossiers que vous avez entendus. Merci Maître Novakovic. Merci Julien, bravo à tous. Meilleur avocat de pénaliste de Julien. France. Bravo Julien. Oh, bah merci Stéphane. Il est formidable. Moi aussi j'ai prévu avec mon garagiste. Ah mais j'en connais un bien. Si vous voulez, je peux vous le faire écouter. Ah non. Vous l'avez écouté celui d'hier ? Ah bah oui. C'est pour ça que je suis solidaire avec très vous. Très bien, c'est alors, gentil. Ce matin, on ne va pas parler de garage, on va parler d'un conte fantastique avec André Dussolier qui est mon invité formidable. Ce matin. Dans la bonne heure, dans quelques instants. Nous allons écouter ça avec impatience. Merci à toutes les équipes d'Alain Hazard. Merci à vous, Stéphane Bernard. Yves, demain matin, en direct, nous sommes là pour régler vos problèmes. On vous attend au 3210. Bonne journée sur RTL. Il est 11h. L'information, c'est de nouveau avec vous, Marie Garrier. Rebonjour. Rebonjour, Julien. Bonjour à tous. Au lendemain de la chute d'un canot de sauvetage du paquebot Harmony of the Seas dans le port de Marseille, les enquêteurs estiment qu'il n'y a pas eu de problème technique, pas de défaillance des câbles. Et l'hypothèse la plus probable serait l'erreur humaine, nous indique Hugo Dubois à Marseille pour RTL. La chute de ce canot de sauvetage du paquebot Harmony of the Seas a fait 1 mort et 4 blessés graves. Orage, pluie violente, fort coup de vent, la région centre a été touché dans la nuit. Les rafales par endroits ont atteint les 100 km/h. 87 communes ont été privées d'électricité dans cette région centre, dont la plupart dans le seul département d'Indre-et-Loire. Dans la région voisine des Pays de la Loire, là aussi, les intempéries ont provoqué des coupures de courant la nuit dernière, mais aussi des arbres et des branches sont tombés sur les voies de chemin de fer entre Laval et Le Mans. Le trafic des premiers TGV de la journée a été perturbé ce matin sur les trains Rennes-Paris et certains TGV ont dû être détournés par Nantes. Ça a occasionné des retards. Dans le Finistère, en Bretagne, les pompiers sont intervenus 100 de fois hier soir pour des caves ou des magasins inondés, notamment à Brest, la ville la plus touchée du département. Des orages également dans le sud-ouest hier soir avec des foyers privés d'électricité, essentiellement dans les Pyrénées-Atlantiques. Alors aujourd'hui, ces orages les plus violents, on les attend dans les départements de l'Aveyron, de la Lozère, de l'Ardèche, de l'Hérault, du Gard, des Bouches-du-Rhône et du Vaucluse, avec de forts cumuls de pluie localement. Il y a déjà eu des orages ce matin. La vigilance orange est enclenchée pour toute la journée. Sur l'ouest, retour d'un temps plus calme. Il y aura quand même des averses, mais entrecoupées d'éclaircies. Les températures sont largement rafraîchies. On attend par exemple aujourd'hui 20 degrés à Limoges. Il faisait 34 hier. On attend 21 à Bordeaux, 23 à Angers, 24 à Brest. Le temps va rester sec et ensoleillé aujourd'hui sur le nord et l'est et les températures encore élevées. 30 degrés cet après-midi à Paris, à Lyon, 32 prévus à Lille, à Metz et Strasbourg et 33 à Reims. C'est l'heure du réquisitoire aujourd'hui au procès de Jérôme Cahuzac, l'ancien ministre jugé pour avoir menti au fisc pendant des années. C'est aussi le procès du couple Cahuzac qui a reconnu au fil des audiences avoir été conscient de l'illégalité des montages financiers toujours plus sophistiqués. Patricia et Jérôme Cahuzac ont avoué une fraude familiale. Ils risquent de la prison ferme. Dans l'actualité du jour, il y a aussi le pape François qui a célébré ce matin au Vatican une messe à la mémoire du père Jacques Hamel, tué en juillet par des djihadistes dans son église. C'est un martyr, a déclaré le pape, et d'ajouter « comme il serait bon que toutes les confessions religieuses proclament que tuer au nom de Dieu est satanique ». 80 pèlerins du diocèse de Rouen, du diocèse du père Hamel, assistaient à cette messe ce matin à Rome. Les derniers mots de Michel Platini au congrès de l'UEFA qui va élire son successeur. Michel Platini est suspendu pour 4 ans de toute activité liée au foot. Il était président de ces instances européennes. Il vient de prononcer un discours pour remercier les fédérations du travail accompli pendant 9 ans. Sa voix a tremblé au moment de dire au revoir. « Ma conscience est tranquille », a déclaré Michel Platini, qui a conclu « Amis du football, à bientôt ». Connaissez-vous les gestes de premier secours? C'est la question qu'RTL vous pose aujourd'hui. Vous avez peut-être entendu cette histoire d'une lycéenne de Nancy, Jessica, 15 ans, victime d'un arrêt cardiaque dans son lycée. Elle a été sauvée par deux élèves de terminale qui savaient quoi faire. L'un avait un brevet de secourisme et l'autre était pompier volontaire. Et vous, connaissez-vous les gestes de premier secours? C'est donc la question. Vous pouvez y répondre dès maintenant sur le site internet rtl.fr et vous pourrez en discuter dans RTL Midi en appelant le 3210 et en discuter avec Christelle Robière et Vincent Parisot tout à l'heure. Les courses aujourd'hui au Lion d'Angers, les pronostics de Bernard Glass pour le Quintet. Il vous conseille de jouer le 12, le 9, l'As, le 8, le 6, le 5, le 3 et le 2. La dernière minute de Bernard, c'est l'As. Il est 11h04, vous êtes sur RTL. Ah, la bonne heure commence bien sûr avec Stéphane Bern. Bonjour. Absolument Stéphane. Bonjour ma chère Marie. Et nous retrouvons Marie Guerrier à midi pour faire un nouveau point sur l'actualité. Allez, ça va être l'heure. 11h-12h30, Stéphane Bern, à la bonne heure. Oui, voilà, c'est le moment de la bonne heure avec un invité. Mais quel invité ? Je vais vous le présenter dans un instant, c'est André Dussolier. Merci, cher André, merci d'être avec nous. Mais d'abord, je vous présente tous mes petits camarades. À la une, comme tous les